bien, bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fadjet 94.2 pour l'émission Call du Beloved. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle émission reggae, où je vais vous présenter 8 artistes fabuleux comme Inny Comoz, Don Penn, Peter Tosh, Rita Marley, sans oublier Dan Akil, Trio, Alpha Blondie et Tom Fraser. Allez les amis, commençons avec le premier chanteur qui s'appelle Inny Comoz. La chanson est sortie en 1984 et elle se nomme World of Reggae. Allez, c'est parti. With me daughter, eh. World of reggae music on ya, eh. Bien voilà mes chers Rasta, c'était Inikamoz. Allez, je vous propose qu'on continue avec une chanteuse très talentueuse, mais peu connue du grand public, qui se nomme Dawn Penn. Elle va chanter la chanson You Don't Love Me, et elle est sortie en 1994. Voilà mes Rasta, c'était You Don't Love Me de Dawn Penn. Notre prochain artiste s'appelle Peter Tosh. Il est né en 1944 à Kingston et malheureusement décédé le 11 septembre 1987. Sa chanson s'appelle Les Gars Les Zettes. J'espère qu'elle va vous plaire. Allez, c'est parti les amis. Call it the weed. singers smoking and players of instruments too. Legalize it, yeah, yeah, that's the best thing you can do. Peter Tosh, les amis. Allez, pour continuer cette émission, je vous propose qu'on passe à l'artiste suivant qui se nomme Rita Marley. Je vais vous faire découvrir l'une de ses chansons qui se nomme One Two. Vous allez voir, c'est juste super. I'm usual, we will begin with roll call. Who have we here? Smokey? Present teacher. Herbie? Here teacher. Mila? I'm a teacher. Good. Now, I want us to think about what we did over the holidays. Teacher. Yes. I learn about family needs, teacher. Oh. Where they use land they never used to use before and grow something that earned plenty money, teacher. Oh? Something called... Smokey? I was learning about the said things still in a teacher. I tried some studies still in a teacher. Before I walk my book, you see, teacher, I get a piece of paper, you know. And I build one script and take a whip. I build one script and take a whip. I roll a little script and take a whip. Smokey? I roll a little script and take a whip. What? Take a whip up at the same similia. Oh. A whip up at the same similia. Mila? Yes, teacher? Ten. Well, teacher, over the holidays, teacher, I have been studying about music, teacher. Yes. So, teacher, give me some rhythm, let me dance. A long time, it feels so nice. Rhythm, teacher. Oh? Rhythm with music, teacher. Oh? Teacher, I get to understand, you know, that the same thing here what Smokey them talking about, teacher. Yes. Oh, well, with music, teacher. Ah. And teacher, that makes sense. And teacher, you see this thing does make you feel so high. I'm feeling high. You don't believe me, teacher? Teacher, take one little drop. Roll a little sleeve and take a whiff. Whoa! Roll a little sleeve and take a whiff. What is this class coming to? Teacher, yes. I tell you, teacher, you have to believe. Because, teacher, hey, brother man, hey, what I say, I give us some of you. Mila, what are you talking about? It makes sense, teacher. It really makes sense. High, high, high, so amis, c'était Rita Marley. Allez, poursuivons maintenant avec un chanteur de reggae français. Il s'appelle Danakil. La chanson se nomme 32 mars. Et vous allez voir, c'est juste super aussi. Je vous laisse écouter et on se retrouve juste après. La boucle est bouclée, quelque chose empêche la roue de tourner. 32 mars, deuxième jour de la démarche. La coupe est pleine comme les abords de la place. La réponse est en marche, le peuple se déplace. La riposte est un art au parfum de l'audace. Vous savez, la politique est dans l'heure telle qu'elle est pratiquée. Le système est condamné par des pantins.

Why don't you get on board the Zion Express? It's saying Coco, Coco, it's Coca Lira. Coco, Coco, it's Coca de Rasta. Rasta lady, yeah. Coco, Coco now, Coca de Ra. Coco, Coco, it's Coca de Rasta. Soul. Positively moving up, oh, weaving your time. No matter what you say or do, Japan will rock you down. That's why we say insane Coco. We positively moving up, oh, within your time. No matter what you say or do, your band don't wreck them down. That's why we saying, saying, Coco, Coco, it's Coco de Ra. Coco, Coco, it's Coco de Rasta. Rasta live. C'était Coco Z-Rock de Alpha Blondie. Les amis, cette émission est déjà presque finie. Ah, c'est fou comme cette émission passe vite. Hein. Ah, c'est triste quand même. Hein. Mais la dernière chanson est plutôt pas mal. C'est de Laurent Voulzy. Elle s'appelle Belle Île en Mer. Mais. Elle est interprétée par Tom Fraiser. Vous allez voir. Belle Île en Mer en reggae, c'est quelque chose. C'est pour vous. C'est parti. Belle Île en Mer, Marie Galante, Saint-Vincent. Singapour, Seymour, Ceylan. Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part. Belle île en mer.